Bonne journée, des nouvelles de Sienna Miller qui finalement dément. L'actrice a donc tenu à mettre un terme aux rumeurs qui circulent sur sa love story avec P. Diddy. Je cite, je ne suis pas avec lui, c'est juste un ami et surtout j'en aime un autre. Malheureusement pour nous, on ignore encore le nom de l'heureuse élue en question. Affaire à suivre en tout cas, c'est un démenti formel. Sienna Miller n'est pas avec P. Diddy. Galaxy. Welcome to the world of music. Ah, c'était crucial comme info. Tout de suite, Digital KO avec Space Ship on Galaxy. Galaxy. Galaxy. It's time for house. record de bonne musique garantie avec Three Mornings. C'est un bel extrait du premier album de l'ami Fred Hush. Album à paraître le 27 août prochain. L'album qu'on vous offre régulièrement sur nos ondes est baptisé Audio Colors. À bon entendeur, salut. Dans l'heure qui vient, dans l'heure qui suit, nous retrouverons le titre immanquable de l'été, le fameux Mi Plus One. Galaxy. Galaxy. Don't stop. Stop music. Mi Plus One étant signé par le groupe Casabian. Nous vous souhaitons un bel été et puis surtout de bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances. Pour les autres, celles et ceux qui bossent à l'écoute de la radio, bon courage, on est de tout cœur avec vous. La musique continue car elle ne s'arrête jamais sur Galaxy. avec Hubert. Avec Hubert. is my own world. Tell me, baby boy, got to give me joy. world of music. like I'm a different man now. Ooh, so strong for too long. I've been searching for a girl like you. Change it all, 'cause since I found you, really made it better. I found something better. I dreamt of something better. I found something better. Something better. I found something better. I dreamt of something better. I found something better. Something better. Something better. réveil sur Galaxy. Galaxy. Avec Hubert. Avec Hubert. Get two or three, then it's all to the dance floor. All if you want to, but I got to party. I'm up in the party. I'm glad that I got you, and it's alright. You got you a partner and cut a rug up tonight. Encore un max de gros sons avec entre 9 et 10 Red Hot Chili Peppers, John Dolbach et Mantrix avec Smack My Beat Up. Et là tout de suite, pour bien repartir, c'est Junior Caldera avec Sexy. Sexy. Music. Galaxy. Number one for news. For news. You've been thinking, I don't want to change, but you gon' change anyhow. the way they are. Well, things cannot stay like they are. Change is the nature of life. We are all on the train. Are y'all listening? The music. The change changes. Oh, Galaxy un peu plus de 9h30. L'heure pour vous de retrouver Marbrax. Electro Vibe avec Marbrax. Galaxy 95.3. I'm not afraid to

Galaxy Extreme. We'll be right back. coupé, coupé, coupé.